Allumette vite près du jerrycan. Fais pas d'oseille mais un turrican. C'est permis blague pour t'allumer. Patrouille 6 over sous furigan. Tu parles beaucoup mais tu parles de quoi? Pour faire des tâches t'as trop coupé wesh. Monte sur des plaves et c'est tout bénef. Grosse pute de l'Est dans un coupé S. Tu veux coffrer mais t'as pas de Zeyo. Ça veut se poser avec un soirail. Des meufs de snoop dans des sacs Célio. Rétine roussant sous le casque à rail. Faire tes soprings se barrer mon pote. Au fond tu dis que c'est bien c'est carré. Mais jour où ça t'enlève les menottes. Parle au cafard dans 20 mètres carrés. Ici me gros vaut mieux assurer. Gloire sur la nuque mais faut pas t'en faire. Eh petit con là faut assumer. La vie c'est ça quand t'as pas grand frère. Plagiat d'un Glock sur ta pareillée. Si je te dis ce que je pense tu vas pas aimer. On parle d'aujourd'hui c'était pareil hier. Si j'achète Cayenne tu vas me la rayer. Allumette vie près du jerrycan. Fais pas d'oseille mais rien que tu ricanes. C'est permis blague pour t'allumer. Patrouille 6 over sous furigan. C'est permis blague pour t'allumer. Patrouille 6 over sous furigan. C'est permis blague pour t'allumer. Patrouille 6 over sous furigan. Allumette vie près du jerrycan. Allumette vie près du jerrycan. Allumette vie près du jerrycan. Patrouille 6 over sous furigan. Allumette vie près du jerrycan. Allumette vie près du jerrycan. Allumette vie près du jerrycan. Patrouille 6 over sous furigan. Arrête mon frère, trêve de baliverne. Allez, s'entendre, il n'y a pas de faux. J'ai écouté leur album de merde. Et tu veux que je te dise, ils n'ont pas de flow. J'aime trop ma mère, mais c'est pas nocif. Donc quand elle a mal, bah j'ai mal aussi. Je voudrais lui dire, mais je suis cabossé. Parle encore d'elle et je vais t'arroser. Au final, mon frère, tout ce qu'on retiendra, le respect s'achète tout comme la répute. En vrai, Valet ne devient pas roi. Et petite princesse devient reine des putes. Tu veux faire million, mais t'es paresseux. Tu cherches le bonheur, il est pas ici. Sans jamais l'atteindre, on le caresse. Parce que roi de plomb, qu'on n'est pas disciple. Et tu vises les sommets sans jamais les atteindre. Parce que frère c'est pas ça la fille. Personne va consoler, personne viendra te plaindre. La balle traversera la vitre. Et si t'as kiffé Mercedes, tu kifferas ton cadavre dans un putain de piano. Parce qu'à couper la cesse, aller rendre parole à tête de Jack Posté sur un putain de piano. Allumette vie près du jerrycan. Fais pas d'oseille mais rien que tu ricanes. C'est permis blague pour t'allumer. Patrouille 6 over sous furigan. C'est permis blague pour t'allumer. Patrouille 6 over sous furigan. C'est permis blague pour t'allumer. Patrouille 6 over sous furigan. Allumette vie près du jerrycan. Allumette vie près du jerrycan. Allumette vie près du jerrycan. Patrouille 6 over sous furigan. Allumette vie près du jerrycan. Allumette vie près du jerrycan. Allumette vie près du jerrycan. Patrouille 6 over sous furigan.